Ministère de l'Intérieur contre Indie Media, une censure absurde et choquante. C'est un communiqué du site La Quadrature du Net, paru le 25 septembre 2017 sur le site donc laquadrature.net. Paris le 25 septembre 2017. Jeudi dernier, le ministère de l'Intérieur a enjoint les sites participatifs Indie Média Nantes et Indie Média Grenoble de procéder au retrait d'un communiqué anonyme revendiquant l'incendie d'un hangar de gendarmerie à Grenoble. D'après le ministère, une telle publication serait constitutive d'un acte de provocation au terrorisme. Les deux instances d'Indie Média se sont exécutées en retirant le contenu litigieux, faute de quoi elles auraient été ajoutées à la liste noire des sites censurés sur décision administrative et faire l'objet d'un blocage par les grands fournisseurs d'accès à Internet. Le communiqué litigieux a également été relayé sur des sites de grands médias traditionnels sans que ces derniers ne soient inquiétés. Cette censure policière est aussi absurde que choquante. Absurde, car le texte revendicatif visé reste bien évidemment largement accessible, y compris au travers de grands sites médias, et que cette censure est forcément de nature à lui donner une plus grande visibilité. Choquante, parce que cette décision de censure autorisée dans le cadre de la loi antiterroriste de novembre 2014 illustre à elle seule les dangers associés à l'arsenal de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement peut manier à l'envi pour cibler des groupes militants ou, comme en l'espèce, des sites participatifs. Bien que validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, ce régime de censure administrative d'Internet, censé être soumis au contrôle préalable de la CNIL, laisse ici transparaître tout l'arbitraire dont il est porteur. C'est à notre connaissance la première fois que ces mesures antiterroristes extrajudiciaires, qui restent le plus souvent secrètes, sont appliquées à des sites et contenus ne relevant pas de l'extrémisme islamiste. Cette extension est d'autant plus préoccupante que le gouvernement entend, à travers un énième projet de loi de lutte contre le terrorisme, transposer dans le droit commun quantité de mesures privatives de liberté qui relevaient jusqu'alors de l'état d'urgence. Après la censure d'un site Indie Média en Allemagne le mois dernier, après le blocage de sites indépendantistes en Catalogne la semaine passée, cette nouvelle remise en cause de la liberté d'expression sur Internet s'inscrit dans une tendance plus large qui apparaît extrêmement préoccupante. Comme l'écrivait dès 1976 la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, mais également pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. La Quadrature appelle la Commission européenne et le Conseil de l'Europe à condamner ces opérations de police qui sapent la protection due à la liberté d'expression. Voilà, c'est un appel, en plus d'un texte de soutien, j'imagine. En tous les cas, un texte de condamnation paru sur le site de la Quadrature du Net en ce lundi 25 septembre 2017.